الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. سيدي أمير الأنبياء maître émir des prophètes صلى الله عليك عدد نجوم السماء que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel ورمال الصحراء et au nom des sables du désert وأولاد آدم وحواء et au nom de la descendance d'Adam et Ève أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام après ceci mes frères mes sœurs en islam أحباب الحبيب محمد المصطفى très cher ou bien-aimé محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. سنتكلم اليوم عن سلاح خطير. Aujourd'hui, on va parler d'une arme dangereuse. سلاح من أسلحة الشيطان. Une arme parmi les armes sataniques. كل واحد فينا يعرف هذا السلاح. Chacun de nous connaît bien cette arme. وجربه. Et il l'a expérimenté ou il a vu son danger. إنه الغضب. Il s'agit de la colère. وقبل البداية تعالوا نسافر إلى سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. Avant de le début, venons voyager vers la meilleure créature et le bien-aimé du créateur محمد صلى الله عليه وسلم. نتعلم من حكمته afin qu'on apprenne de sa sagesse prophétique. رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. Un homme qui interrogeait le prophète prière et sur lui. يا رسول الله أوصني. Ô messager de Dieu, donne-moi un conseil. قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. Le prophète lui dit ne t'emporte pas. فردد مرارا. L'homme répétait plusieurs fois au messager donne-moi un conseil. الرجل يردد يريد وصية أخرى. أوصني يا رسول الله قل لي صلي بالليل قل لي تصدق قل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب le prophète prière et sur lui disait ne t'emporte pas l'homme voulait un conseil fait la prière dans l'aumône fait le pèlerinage le prophète lui dit ne t'emporte pas رواه البخاري rapporté par l'imam البخاري بعدها يقول أحد الصحابة juste après cela l'un des compagnons dit فكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال يعني لا تغضب إيش معنى هذه لا تغضب un compagnon dit par la suite j'ai réfléchi à la signification de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم pourquoi il a dit ne t'emporte pas الصحابي يقول فإذا الغضب يجمع الشر كله et j'ai compris à la fin la conclusion était la colère regroupe toutes les sortes du mal رواه الإمام أحمد rapporté par l'imam Ahmed عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله fils de عمر que Dieu soit satisfait des deux il interrogeait le prophète صلى الله عليه وسلم يا رسول الله au messager de Dieu ما يباعدني وفي رواية ما يمنعني qu'est-ce qui me fait éloigner dans une version qu'est-ce qui me protège من غضب الله contre la colère de Dieu قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب le prophète lui dit ne te mets pas en colère رواه احمد وابن حبان rapporté par l'imam احمد et l'imam ابن حبان انظروا الحكمه النبويه regardez avec moi la sagesse prophétique غضبك على الناس يجر غضب الله عليك ta colère vis-à-vis des gens attire rapidement la colère de Dieu sur toi بمعنى اجتنب الغضب تجتنب غضب الله ça veut dire évite ta propre colère par là tu vas éviter la colère de Dieu وقال النبي صلى الله عليه وسلم et le prophète prière et sur lui dit ليس الشديد بالسرعة قالك مش رجل قوي هو اللي كيشد واحد يسرع ويطيح الأرض ويركب فوقه ليس الشديد بالسرعة l'homme le plus fort n'est pas celui qui est capable de terrasser rapidement son adversaire ou son ennemi de le mettre à terre إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب le plus fort est celui qui se maîtrise lors de sa colère متفق عليه unanimement authentique البخاري et مسلم. أخي أختي إذا أحسست بالغضب frère ou sœur, si tu ressens la colère فاعلم بأن الشيطان حضر, sache immédiatement que Satan est arrivé, il est là. وَبِأَنَّهُ انْتَصَرَ عَلَيْكَ, et comme quoi il t'a vaincu, il n'est pas seulement là, il t'a vaincu parce que tu es en colère. أَتَرْضَى أَنْ يَنْتَصِرَ عَلَيْكَ الشَّيْطَانَ, acceptes-tu pour toi-même que Satan triomphe sur toi, عدوك, ton grand ennemi, أَتَرْضَى الْهَزِيمَ أَمَامَ الشَّيْطَانَ وَأَنْتَ عَبْدُ الرَّحْمَنَ, acceptes-tu la défaite devant Satan et tu es le serviteur du tout miséricordieux. إِذَا أَحْسَسْتَ بِالْغَضَبِ فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بِقَدْرِ مَا تَغْضَبْ, lorsque tu ressens, mon frère ou ma sœur, la colère, tu dois savoir que plus tu te mets en colère, فَإِنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ عَلَيْكَ, plus Dieu se met en colère sur toi. أَتُحِبُّ أَنْ تُغْضِبَ اللَّهَ عَلَيْكَ, veux-tu, cherches-tu à mettre Dieu en colère sur toi? ستقول لا, tu vas dire certainement non في الجواب, dans la réponse. إذن أخي أختي أترك الغضب, donc frère ou sœur, laisse la colère de côté. انتصر على الشيطان, triomphe contre الشيطان. ستقول كيف أترك الغضب, tu vas dire comment je vais laisser la colère, comment je vais faire sortir la colère de moi. الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم, la réponse vient de la part du messager de Dieu, prière et salut sur lui. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, dis je me protège par Dieu contre le démon lapidé. متفق عليه, unanimement authentique. من منا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب, qui parmi nous dit je me protège par Dieu contre le démon lapidé lors de la colère? الشيطان ينسي هذه الكلمة عند الغضب, Satan lui fait oublier cette formule lors de la colère. وقال صلى الله عليه وسلم, et il a dit prière et salut sur lui, إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار من النار, certes la colère vient de la part de Shaytan, et certes الشيطان ou Satan a été créé à partir du feu. وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ, et le feu ne s'éteint que par l'eau. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ, quand quelqu'un de vous s'emporte par la colère, qu'il fasse ses ablutions, qu'il touche l'eau, qu'il fait entrer l'eau dans son nez. Abu Daoud, rapporté par l'imam Abu Daoud. مَنْ مِنَّا يَتَوَضَّأْ عِنْدَ الْغَضَبْ, qui parmi nous fait ses ablutions lors de la colère? الشيطان ينسي, Satan nous fait oublier tout ça. وقال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس, quand quelqu'un de vous s'emporte de colère et il est debout, il doit s'asseoir. فإن ذهب عنه الغضب, si la colère est partie, وإلا par وإلا فليضطجع, sinon il doit s'allonger carrément. رواه ابن حبان وأبو داود, rapporté par ابن حبان et أبو داود. كلنا يعرف هذه الأحاديث, chacun de nous sûr et certain il connaît ces paroles du prophète صلى الله عليه وسلم. وربما يقول قائل لماذا الإمام يذكرنا بهذه الأمور الألفبائية, pourquoi l'imam aujourd'hui nous rappelle ces choses qui font partie de l'ABC de l'islam ou des choses basiques en islam. وَأَقُولُ فِي الْجَوَابِ, je dis dans la réponse, وَمَنْ مِنَّا يُطَبِّقْ فِي حَيَاتِهِ هَذِهِ الْمَبَادِئَ الْأَلِفْبَائِيَ الْمَعْرُوفَةِ, je réponds, et qui parmi nous applique dans sa vie ces principes basiques très célèbres et très connus? لِهَذَا وَجَبَ التَّذْكِيرِ, raison pour laquelle on doit rappeler et toujours rappeler. المهم ليس أنك تعرف, l'essentiel c'est pas que tu connais ces choses là ou tu as le savoir. المهم هو أن تطبق ما تعرف, l'essentiel c'est de mettre en pratique ce que tu connais ou ce que tu sais. من منا كلما غضب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, qui parmi nous tous lorsqu'il s'emporte il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, je me protège par Dieu contre le démon lapidé. وتوضأ, et il fait ses ablutions. وجلس, et il comment dire il prend place وسكت et il se tait أم أننا إذا غضبنا نسينا كل شيء ou bien lorsqu'on s'emporte on oublie toute chose وحطمنا كل شيء et on détruit devant nous toute chose أمام الله devant Dieu والشيطان يضحك من شدة فرحه وانتصاره et Satan est en train de danser en train de rire de joie et rire de sa victoire وبعد كل ذلك يأتي الندم الكبير et après la grande colère arrive le grand regret mais souvent c'est trop tard le mal est déjà fait وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu ما الذي يدفع للطلاق qu'est-ce qui pousse au divorce الجواب الغضب la réponse la colère ما الذي يدفع للضرب qu'est-ce qui pousse à frapper celui qui est devant lui La réponse, al-ghadab. Al-jawab, al-ghadab. La réponse, c'est la colère. Mal-ladhi yadfa'u ila al-kasr wal-jarh. Qu'est-ce qui pousse à fracturer le bras ou la jambe de quelqu'un ou le blesser? Et souvent, c'est la femme. Ta femme, souvent, c'est ton enfant. Tu ne fais pas ça devant un homme. Quand tu es devant ta femme ou quand tu es devant une fille de 4 ans, 10 ans, 12 ans, ne pense pas que tu es devant Mohamed Ali. Hein? Tu es devant une femme, tu es devant un enfant. Fais ça contre Mohamed Ali. Et c'est semblable, je ne connais pas les noms des contemporains. Mais الذي يدفع إلى الكسر والجرح الجواب الغضب La chose qui pousse à fracturer, à casser, à défoncer, si vous voulez, c'est la colère. Mais الذي يدفع للقتل Qu'est-ce qui pousse à tuer sans vouloir tuer الغضب La colère. Mais الذي يدفع للسجن Qu'est-ce qui pousse à séjourner à Fleury-Mérogis dans la prison Malgré qu'on ne voulait pas au départ. الجواب الغضب La réponse, la colère. Mais الذي يدفع للظلم Qu'est-ce qui pousse à l'injustice الجواب الغضب La réponse, la colère. Mais الذي يدفع للسب Qu'est-ce qui pousse à insulter تسب زوجتك تسب والدي زوجتك Tu insultes ta femme. Parfois, tu insultes les parents même de ta femme qui n'ont fait aucun mal à toi. Ils ont fait que du bien. Ils ont élevé pour toi une femme. Et ils te l'ont donné comme cadeau. Al-jawab al-ghadab, la réponse, la colère. Il a akhiré, etc. Wa sadaqa al-sahabi alladhi qala, le compagnon qui a dit cette phrase, il a tout à fait raison. Al-ghadabu yajma'u sharra kullah. La colère regroupe toutes les sortes du mal. Akhi, ukhti, frère, sœur. Al-ghadab junoun. La colère est une folie. Al-ghadab yuzilu al-aql. La colère élimine la raison ou l'intelligence. Fatusbih hayawanan majnounan. Et tu deviens un animal fou de rage. Lianna al-farqa baynana wa bayna al-hayawan huwa al-aql. La différence ou la entre nous et l'animal, c'est la raison. وَالْغَضَبْ يُزِيلْ al-aql et la raison élimine, et la colère élimine la raison. وَأَسْأَلْ لِمَادَ حَرَّمَ الْإِسْلَامُ الْخَمْرِ Je m'interroge, pourquoi l'islam a interdit le vin الجواب, أو من بين الجواب, أنها تزيل العقل. Parmi la réponse, parmi les plusieurs raisons, c'est qu'elle fait absenter ou disparaître la raison. الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ Le vin est le père ou la mère de toutes les immoralités. Aqul al-ghadab akhtar min al-khamr. Je dis, mes frères et mes sœurs, la colère est pire que le vin. Awalan li'annahu yuzilu al-aql. Premièrement, parce qu'il élimine la raison. Deux, wa akthar min dhalik yaj'aluka fi halat junun quswa 2 il t'emporte à un état de folie incroyable al aqal sakran ma indu aql walakin ma indu quwwa au moins livre par l'alcool ou le vin Il n'a pas la raison, mais il n'a pas la force. Tu souffles sur lui, il tombe. يعني تصوت عليه يطيح ما عنده قوة. المصيبة هذا المجنون اللي عنده عقل وعنده قوته ولكن يعني غاضب هذا صعب هذا ممكن يطيح كل شيء. هذا الفرق بين السكران وبين المجنون بالغضب. Mais celui qui a atteint la folie par la colère, il a sa force, mais il n'a pas sa raison. C'est pire que être ivre. ولا تفكر في العواقب. Lorsque tu arrives à cet état, tu ne penses plus aux conséquences. بالضبط كالحيوان المجنون. Exactement comme l'animal fou de rage. وليس كالحيوان الهادئ. Et non pas comme l'animal doux et calme. ولهذا فالغضب حرام. Raison pour laquelle on dit que la colère est interdite. لأن الغضب هو خمر الجنون. Parce que la colère, je peux l'appeler, c'est le vin de la folie. Pas le vin rouge, etc. Le vin de la folie. أخي أختي, frère ou sœur, فكر. في الذين يعيشون معك. Pense à ceux qui vivent avec toi. الناس الذين تحبهم. Les gens que tu aimes. هل زوجتك ترضى أن تكون زوجة لمجنون؟ Est-ce que ta femme accepte et est satisfaite d'être l'épouse d'un fou؟ هل ولدك بنتك يرضى أن تكون أو يكون ولد أو بنت لمجنون؟ Est-ce que ta fille ou ton fils accepte d'être l'enfant d'un fou? هل أمك ترضى أن تكون أم لمجنون؟ Est-ce que ta mère accepte d'être la maman d'un fou? انظر بجنونك. Regarde, à cause de ta folie, بغضبك, à cause de ta colère, بخمرك, à cause de ce vin, كم تؤذي الناس الذين تحبهم؟ Combien tu fais du mal aux gens que tu aimes ويحبونك et aux gens qu'ils t'aiment. وفي الحقيقة انظر كم تؤذي نفسك. Mais en réalité, regarde combien tu fais du mal à toi-même. تظن نفسك قويا لما تغضب. Tu penses que tu es très fort lorsque tu t'emportes. لأن عندنا واحد العادة قبيحة أتينا بها من البلاد. يعني المليح واللي واعر وهذا هو اللي غضب. خافوا منه. هذه عادة يجب أن تحارب. تكون قويا لما تغضب وتكسر كل شيء. Et lorsque tu casses toute chose. ولكنك لو فكرت mais si tu réfléchis un tout petit peu لوجدت نفسك لست قويا. Tu vas découvrir que tu n'es pas fort ولكنك ضعيف أمام الشيطان. Mais plutôt tu es très très très faible devant Satan. بعيد كل البعد من الرحمن. Et très très très loin du tout clément. غضبك ضعف وهزيمة. Ta colère est une faiblesse, est une défaite. أنت لست شيئا. Tu n'es rien. وتظن نفسك شيئا. Et tu penses avec ta colère que tu es devenu quelque chose. لماذا كل مرة تخيف عائلتك؟ Pourquoi à chaque reprise tu effraies ta famille؟ من أنت أمام الله؟ Qui es-tu devant Dieu؟ أمام قوة الله، devant la force absolue de Dieu. ألا تخاف انتقام الله؟ N'as-tu pas peur de la vengeance de Dieu؟ أقول لك Je te dis, أخي أختي, frère, sœur, إذا كنت تغضب فتكسر إلى آخره, dans le cas où tu t'emportes et tu casses tout ce qui bouge autour de toi, etc. فاعلم بأنك لا تملك عقلا قادرا على الإقناع. Sache mon frère ou ma sœur que tu ne possèdes pas une raison ou une intelligence capable de convaincre les autres. لا تستطيع إقناع زوجتك. Tu es incapable de convaincre ta femme. ضعيف العقل, ضعيف العلم والحكمة. Tu as une faible raison, une faible intelligence, un faible savoir, une faible sagesse. لا تستطيع إقناع بنتك أو ولدك. Tu es incapable de convaincre par la raison et la parole ta fille ou ton fils. وبما أنك غير قادر على الإقناع. Et comme tu es incapable, mon frère, de convaincre, فتلجأ إلى القوة والغضب. Tu vas utiliser la force, tu vas utiliser la colère, les touchbir, بدل أن تقنع, pour contraindre au lieu de convaincre. فتسمع لك زوجتك ويسمع لك ولدك أو بنتك لأنهم يجتنبون غضبك. Et comme ça, ton épouse, ta fille, ton fils vont bien faire ce que tu veux pour éviter ta colère. ولكن وراءك يعملون كل العكس. Mais derrière toi, lorsque tu n'es pas là, ils vont faire tout le contraire de ce que tu dis. فأين ربحك إذن؟ Où est ton gain? Donc, grâce à la colère, أنت خسرت. أنت خسرت. صرت من أهل الخسارة. Tu es perdant. Tu es devenu parmi les gens de la perte. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. Une perte ici-bas, une perte dans l'au-delà. وفي الأخير, à la fin, أقول, je dis, أخي أختي. حاول أن لا تغضب. Essaye de ne pas t'emporter. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Comme l'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا غضبت فامتلك نفسك عند الغضب. Mais dans le cas où tu t'emportes, tu t'énerves largement, au moins maîtrise-toi lors de la colère. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Comme l'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. وعلم أن الحكمة النبوية تعني. Et sache mon frère ou ma sœur que la sagesse prophétique signifie أن القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب, que le fort est celui qui se maîtrise lors de la colère, وأن الأقوى هو الذي لا يغضب, et comme quoi le plus fort est celui qui ne s'emporte même pas. Le fort se maîtrise lors de la colère, le plus fort ne s'emporte même pas. وأن المسكين الضعيف المغلوب هو سريع وقوي الغضب, et la sagesse prophétique dit que le pauvre, le faible, le vaincu est celui qui s'emporte rapidement et fortement. أذكر بشيئين وأكمل. Je rappelle deux choses et j'ai fini. الشيء الأول هو أن الإدارة إدارة المسجد تشكركم شكرا جزيلا. L'administration de la mosquée vous remercie fortement pour la somme que vous avez donnée à la mosquée. من أجل المبلغ الذين أعطيتم للمسجد في الجمعة الماضية 6300 أورو, 6300 أورو. أول مرة يعني الإخوان في هذا المسجد والأخوات يعطون لمسجدهم هذا المبلغ. فتقبل الله منكم, وأسأل الله أن يكون راض عنكم وأن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم راض عنكم. Donc c'est la première fois où les frères et les sœurs de cette mosquée donnent cette grande somme, 6300. Je demande à Dieu qu'il soit satisfait de vous et le messager de Dieu, prière et sa souris de la même manière. La deuxième chose, la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, c'est Koun Mu'tamar Bi Corbeil. Il y aura un congrès annuel dans la ville de Corbeil, juste à côté. في الملعب او يعني بكوكيبوس dans le gymnase qui se trouve à côté de Coquibus. فالموضوع هو التربية. Le thème c'est l'éducation. فحاولوا ان تحضروا ان شاء الله انتم وزوجاتكم واولادكم من اجل التعلم. Donc essayez vos femmes et vos enfants d'être présents afin d'apprendre l'éducation. On en a tous besoin. اللهم اني داع فامنوا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم الف على الخير قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب يا من لا اله الا انت, نسالك في هذا اليوم شيئا واحدا. يا رب جنبنا الغضب. يا رب لا تجعل سلاح الشيطان يقتلنا. يا رب احمنا من سلاح الشيطان الغضب. يا رب اجعلنا من الذين لا يغضبون, واجعلنا من الذين إذا غضبوا يملكون أنفسهم عند الغضب. يا رب لا تجعلنا من أهل الحماقة. يا رب لا تجعلنا من الذين يغضبون لكل شيء ولأتفه الأسباب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب لا تباعد بيننا وبينك بالغضب. يا رب جملنا بالحلم وجملنا بالسكينة وجملنا بالعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل لنا جميعا وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.